reviendrai plus jamais, je jure. Je cloue le sourire, recolle les chairs de la béante blessure. On dit que le temps cautérise les offenses et les fêlures, tout est immense. Ce gouffre entre nous abîme. Ce gouffre entre nous abîme. Bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On démarre Fissa Fissa avec La Zulie, extrait de leur album sorti en 2009. Réponse incongrue à l'inéluctable. Pourquoi la Zulie ? Parce que la Zulie sera en concert lors du festival rock du péage de Roussillon. C'est au sud de Vienne. Le 20 juin, c'est un samedi. Le 20 juin, festival qui s'étend sur 2 jours. Le 20 juin et le 21 juin, festival donc à cheval sur la fête de la musique. On va pas arrêter d'en parler. Et on continue avec un autre invité de ce festival du péage de Roussillon, Franck Carducci, qui était d'ailleurs au festival du Prog Sud, où il nous a fait un concert de très haut niveau, et je pèse mes mots. Franck Carducci. Nobody can ease the burden she is carrying. Just a dream, and so she shuts her eyes, so she can't realize. But love is gone. what you mean, what you mean to me. Yeah, love is what you mean, what you mean to me. looked so real. For everything I desired disappeared against my will. And nothing lasts forever but an impossible brillant, notre Franck Carducci national. Il a été brillant au Proc Sud. Si vous l'avez raté au Radiant, si vous l'avez raté au Proc Sud, foncez, allez le voir au Festival Rock de Péage de Roussillon. Et si vous l'avez vu déjà, retournez, c'est un pur plaisir. Également à l'affiche, les Marseillais d'Elora. On les verra, moi je les ai déjà vus, donc je les reverrai, mais la plupart des Lyonnais découvriront ce groupe bien sympathique de Marseillais qui nous présentera donc son album sorti en 2013, Crash. Et je crois savoir qu'il y en a un autre dans les tuyaux. Tout de suite, Elora. Pour l'éternité encore. Et nous sommes si rêve enivrant, le rêve s'achève. Mais si un chapitre se ferme, un autre aussitôt prend le pas. Et pourtant, je me relève si souvent, jamais de trêve. Je fais face à tous les problèmes, je reprends part au combat. Et Laura, donc en concert lors du festival du péage de Roussillon les 20 et 21 juin. Il y aura également Silver Hunter, le duo franco-britannique accompagné des compères d'Eneade et du compère de Silver Lining. Eh bien, ils sont de retour. Ils avaient fait la première partie d'Arena. Ils seront de retour le dimanche 21 pour présenter leur mini-album. On vous en passe un extrait tout de suite, mini-album intitulé Mad Moonlighters. Silver Hunter. As smoke vanish, so let them vanish away. Like wax melt, so let them die away. Get rid of small talk, get rid of brainwashing. Out mental demons, out creators of superficiality. Out preachers of integrism. Vade sermonis subversores, vade animi demones. Dictateurs de tous les discours, arrêtez de nous leurrer. Unissons nos cœurs dans une harmonie de paix. Vade sermonis subversores, vade animi demones. Vade sermonis subversores, vade animi demones. Yeah. the sounds of silence. Fly like a falcon, dream like a cloud in the sky. Drive out the demons! Chains of your life. Let peace and love flow in your mind. Drive out the demons, the demons. Show the gun, drive out the demons. Let peace and love flow in your mind. Drive out the demons, the demons. Retour sur le Proxu d'une édition flamboyante, avec notamment, c'était mon grand coup de cœur, le fils spirituel, on peut l'appeler comme ça, de Banco. Malheureusement, avec le décès du chanteur, on ne les verra jamais en concert, en tout cas en France. Ça n'a jamais été le cas et ça ne viendra jamais, malheureusement. Donc, je disais, le fils spirituel, je veux parler de Locanda delle Fate, auteur d'un seul album, Forse le lucciole non si amano più, en 1977. Celui qui est suivi après ne vaut vraiment pas le détour et est constitué que de morceaux faits par certains membres du groupe. Donc effectivement, Locanda delle Fate, c'est vraiment l'auteur d'un seul et unique album. Mais quel album ! Un des meilleurs du rock progressif italien. Il faut savoir que le groupe s'est reformé avec donc deux membres fondateurs qu'ils tournent. Ils ont sorti, je crois, il y a 2 ans de mémoire, un superbe live. Et là, ils nous ont absolument enchantés. J'étais scotché au plafond. C'était un pur bonheur. Et je vous propose de partager cette émotion avec un extrait de cet album de 77. Le morceau éponyme, et je m'applique pour le dire, Forse le lucciole non si amano più. Dove vanno gli angeli come un sipario scuro, sempre si alzerà. Una luce accesa o spenta ci sarà. We'll be right back. deux claviéristes, un chanteur d'opéra, un flûtiste. Voilà, un mélange subtil qu'on trouve également dans Banco. Locanda delle Fate, extrait de leur unique album sorti en 1977, ce qu'on appelle un one-shot band, au même titre Gingland par exemple. Et donc, qui nous a véritablement enchanté. Également, une star, hein, une légende du prog italien était présente ce soir-là. Delirium, et oui, incroyable mais vrai, Delirium était là. Et je vous propose un court extrait d'un album de 72, Lo Scemo, Lo Scemo. Voilà, vous allez voir, Delirium, comme son nom n'indique pas, une forte influence musicale, baroque, et voire même un petit peu religieuse, et un peu psychédélique également. C'est un cocktail qui m'a beaucoup plu, avec notamment un musicien au sax et à la flûte remarquable, une influence aussi de Van der Graaf Generator et de King Crimson. Que du bon, Delirium. Thank you.

Le jour où commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Sol 100.7. Steve Rothery.

Ah, c'est bien beau tout ça. Donc, juste après Steve Rothery, je rappelle aux Béotiens que c'est ni plus ni moins que le guitariste de Marillion. Eh bien, un album qui s'intitule The Ghost of Pripyat, ou Pripyat, P-R-I-P-Y-A-T. On a eu le bonheur d'écouter le premier album de ce duo britannique Tony Patterson et Brendan Eyre, E-Y-R-E. Ça ressemble pas mal à Steve Hackett et pour cause de bourre, il est invité sur cet album avec ses copains, son frère Nick Magnus. C'est pour ça que c'est de haut vol le titre d'album Northlands. Ça, ça fera plaisir à mon ami Tim, les Pays du Nord. Et à propos de Pays du Nord, on part en Scandinavie avec Magic Pie. Coucou les revoilous avec King for a Day. Tout de suite, Magic Pie sur Prog à part, l'émission du rock progressif. Thank you.

Magic Pie, nouvel album King for a Day. L'été, c'est toujours l'époque des festivals, notamment celui de Saint-Palais-sur-Mer. Le festival Crescendo, il est sur 3 jours au mois d'août, c'est gratuit, c'est sur le bord de mer, c'est un pur régal. C'est le 20, 21, 22 août à Saint-Palais-sur-Mer, c'est pas très loin de La Rochelle. J'ai noté, entre autres, parce qu'il y a une foultitude de groupes talentueux, j'ai noté notamment Wobbler, Les Français d'Atoll, Coucou la légende française de rock progressif et de retour avec l'ami André Balzer, nos amis jurassiens de Motis et la légende du rock progressif suédois. Je pense à Keipa. Voilà donc au festival Crescendo, que du beau monde, les 20, 21, 22, 08. Et d'ici là, bah, vous aurez le petit festival du péage de Roussillon. Je rappelle les dates, le 20 et 21 juin. Et en septembre, il y aura encore d'autres choses, mais l'émission de rentrée aura eu lieu, puisque cette émission aura lieu, notez-le bien, le lundi 7 septembre. Et oui, pas d'émission en juillet, pas d'émission au mois d'août, mais bien sûr, vous retrouvez cette émission et d'autres sur le site d'Acide Dragon, acidragon.eu. Vous retrouverez donc le podcast de cette émission as soon as possible. On termine avec quelques Oldies but Goldies, un groupe que j'aime beaucoup. Ils sont québécois. Ils ont fait un très très bel album. Je veux parler de Jellyfish. Jellyfish, j'ai mis la main sur leur deuxième opus intitulé Symbiose. C'est un petit peu plus musclé, mais ça reste encore de très très haut vol avec des paroles superbes. Jellyfish, tout de suite. Tendrement, mes lèvres sur l'océan, mes lèvres sur l'océan. Son souffle doux, parfum subtil, emporte à travers le temps la source qui coule de son île, mais vite dans son courant. J'ai pour toi, elle, fleur bercée par le vent, belle, belle, précieuse comme un diamant. La terre a des teintes sur ton visage, assis. l'âme que j'ai pour toi. Jellyfish, superbe parole, une voix un petit peu à la Michel Fugain, vraiment très très beau. Je vous parlais tout à l'heure du festival de septembre de Quadriphonique, et bien j'ai bien fait de regarder sur mon ordi préféré, car ce festival aura lieu avant l'émission de rentrée, non pas après. Donc l'émission de rentrée c'est le 7 et le festival Quadriphonique aura lieu le 5, deux jours avant. Donc, il a lieu près du Puy-en-Velay, c'est un festival de rock progressif français. J'ai noté, notamment, je dis bien notamment, il n'y a pas que, j'ai noté Lazuli, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, également Nemo, et évidemment, puisque c'est le moteur du festival, ils seront dans leur terre, et mes amis des Néades, voilà, festival Quadriphonique qui a ne pas rater le 5 septembre. Voilà pour cette émission du mois de juin. Je m'en vais me retirer dans mes pénates. Non, sans vous avoir rappelé que donc, eh bien, vous aurez cette émission podcastée très très bientôt. Que l'émission de rentrée, c'est le 7. Que vous avez deux festivals à ne pas rater, Crescendo et Quadriphonique. Et qu'entre-temps, eh bien, Acid Dragon sera sorti. Tout ça, vous le saurez en allant sur la version net de Progapart, c'est-à-dire sur le site d'Acid Dragon, aciddragon.eu. Voilà, toutes les infos et même plus. Voilà un petit bonus, un extrait donc de Jellyfish, Symbiose, c'est paru en 2011. Voilà, et bien c'est fini, on va se quitter pour deux longs mois, en profitez-en pour vous rincer les oreilles et les yeux avec de la bonne musique, et suivant l'expression, tenez tati et à que la prochaine. C'était Prog à part, une émission présentée, proposée par Thierry Sportouche avec le soutien musical de Michel Maire qui est à l'autre bout du fil. On le remercie au passage.